Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa cette nuit, la nuit du 2 de Rabi'in al-Akhir de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 20e assise de notre série d'assises sur le commentaire de At-Ta'iyya de Al-Faqih, Al-Shahir, Abu Ishaq, Ibrahim ibn Mas'ud, Al-Ilbiri, rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés la semaine dernière à sa parole. Aba Bakrin kashafta aqala aibi wa aktharahu wa mu'azamahu satarta. Faqul ma shi'ta fiyya min al-makhazi wa da'ifha fa innaka qad sadaqta. Wa mahma ibtani فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. Nous voyons que, comme je l'ai expliqué la semaine passée ici, Abu Ishaq évoque son ami d'enfance Abu Bakr, qui est la raison pour laquelle il écrivit cette poésie, afin de le conseiller et de l'appeler à revenir sur le droit chemin sur lequel il était précédemment, lorsqu'ils étaient jeunes. Ici, nous voyons que, comme je l'ai évoqué la semaine passée, Abu Ishaq al-Ilbiri évoque une affaire qui s'est passée après avoir commencé à le conseiller, qui est que Abu Bakr lui répondit par l'évocation de certains de ses défauts, que ce soit une évocation en public ou entre lui et ce dernier. Dans tous les cas, j'avais expliqué la semaine passée que ceci n'était pas le comportement que devait avoir le musulman, c'est-à-dire que lorsqu'il était conseillé par son frère, eh bien, il se devait d'accepter ce conseil et non de contredire ce conseil par un autre conseil à son tour. C'est-à-dire que lorsque ton frère te conseille, ceci sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih et autres, où il dit « Ad-dinu an-nasiha », c'est-à-dire la religion, c'est le conseil, dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, tu te dois d'accepter ce conseil, de faire un retour sur toi-même et d'essayer de t'améliorer et de changer ces défauts qui t'ont été reprochés. Et non, à ce moment-là où tu entends que ton frère vient pour te conseiller par rapport à un défaut que tu as, par rapport à une erreur que tu aurais fait, de chercher à conseiller à ton tour ton frère qui est venu avec ce conseil. C'est-à-dire que si tu as besoin de le conseiller, tu le conseilles, mais tu ne dois pas contredire ce conseil par un autre conseil ou chercher à prodiguer ce conseil pour ton frère parce que lui-même t'a fait un conseil. Non, ceci n'est pas un bon comportement et malheureusement, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est un comportement que l'on voit chez beaucoup de nos frères de nos jours. Et sans aucun doute, la non-acceptation du conseil, le refus d'accepter le conseil, vient bien souvent d'un surplus d'orgueil, plutôt même d'un orgueil de base, car l'orgueil est un péché, il fait partie même des grands péchés, el-kibr, l'orgueil, qu'Allah nous en préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, qui est un hadith authentique, il dit dans le sens de ses paroles, il ne rentrera pas au paradis, celui qui a dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil. Et donc le fait de refuser d'accepter le conseil de son frère vient d'un orgueil qui se trouverait dans le cœur de la personne qui refuserait ce conseil. Ceci, dans beaucoup de cas, je ne dis pas que ceci est une chose qui s'applique à toute personne qui refuserait le conseil, car parfois, il se peut que la personne refuse le conseil parce que celui qui fait le conseil a mal fait le conseil, parce que ce conseil n'était pas attendu de lui, et autre que cela. Ceci sont des cas particuliers. Je parle du plus souvent, lorsque une personne refuse un conseil, refuse de rechercher en lui-même si effectivement il se trouve ce défaut que son frère lui a reproché, bien souvent ceci vient de l'orgueil. Et à l'inverse de cela, l'humilité, at-tawadhu', que j'ai expliqué la semaine passée. Et je voulais, avant de continuer l'explication de la poésie, faire un retour sur ce que j'ai expliqué la semaine passée concernant ce comportement noble qu'est at-tawadhu, c'est-à-dire l'humilité, le fait d'être humble. J'avais expliqué la semaine passée que ceci était le comportement des doués de raison, des gens intelligents, c'est le comportement des pieux. Comme a adopté ce comportement ici Abu Ishaq al-Ilbiri lorsqu'il accepta ces reproches que lui a fait Abu Bakr, ces reproches qui lui ont été faits, bien sûr, comme je l'ai dit, d'une mauvaise manière, puisque ces reproches lui ont été faits par Abu Bakr au moment où Abu Ishaq al-Ilbiri avait prodigué ses conseils à cet ami d'enfance Abu Bakr, mais ceci ne l'a pas empêché d'accepter ses reproches et de dire, comme nous l'avons lu ici dans la poésie, de lui dire dans le sens de ses paroles que même si tu me fais tel et tel conseil, eh bien sache que ces conseils ne sont que une goutte d'eau dans l'océan de mes péchés et de mes défauts. Et ceci, sans aucun doute, est la voie des pieux et des gens doués de raison, de savoir que, quoi qu'il en soit, il connaît sa propre personne, il sait les péchés qu'il fait en apparent comme en secret, il sait que sa propre personne est bien pire que ce qu'il laisse paraître aux gens, comme le disait, comme je l'évoquais, comme le disait Al-Qahtani dans sa poésie, An-Nuniya, qui est une très belle poésie aussi, où il dit « Wallahi law alimu qabiha sarirati, la aba salama alayya man yalqani » C'est-à-dire, dans le sens de ses paroles, par Allah, s'ils savaient la laideur de ce que je cache de mes secrets, ils auraient refusé même de me passer le salam. C'est-à-dire, celui qui me rencontre aurait même refusé même de me passer le salam, de me saluer. Et ceci, comme je l'ai dit, est la voix des pieux. Ils savent très bien jauger leur propre personne. Et comme le disait Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, celui qui connaît sa propre personne et qui reconnaît aux gens de mérite leur mérite, celui-ci aura certes frappé à la porte du succès. Et Allah est celui qui ouvre les portes et qui accorde le succès. Tabaraka wa ta'ala. Je voulais donc, avant de continuer, faire un retour sur cela. J'avais évoqué aussi la parole de Abu Hatim al-Busti dans son livre, donc Ibn Hibban, dans son livre Rawdat al-Uqala, donc dans le sens, le jardin de ceux qui sont doués de raison et d'intelligence, où il expliquait que at-tawadhu', donc l'humilité, est de deux sortes, une humilité louable et une humilité blâmable. Et l'humilité louable était le fait de délaisser l'enorgueillissement face aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, de délaisser le fait de les dénigrer, de les rabaisser. Et le tawadhu', l'humilité qui était blâmable, était le fait de se rabaisser pour une personne qui a entre ses mains des biens d'ici-bas. Ceci pour arriver à ses fins et arriver à ce que possède cette personne entre ses mains parmi ses biens d'ici-bas. Ceci est, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, comme je l'avais évoqué dans son livre Ar-Ruh, l'âme, ceci, donc cette humilité blâmable, est ce qu'on appelle l'avilissement. Et donc Ibn al-Qayyim, dans son livre Ar-Ruh, nous a expliqué la différence qu'il y a entre l'humilité et l'avilissement. L'humilité et l'avilissement, le fait de s'humilier, d'être humble devant les prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas s'enorgueillir, d'obéir aux injonctions d'Allah tabaraka wa ta'ala, aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, de s'écarter de ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Et il avait expliqué aussi, rahimahullah, comme je l'ai lu la semaine passée, que ceci provient de la connaissance qu'a le serviteur de son Seigneur, sa connaissance de ses noms et attributs grandiose, tabaraka wa ta'ala. Ceci provient aussi de son amour qu'il a pour lui, de la manière qu'il a de le munifier, tabaraka wa ta'ala. De même que ceci provient, donc cette humilité provient de la connaissance du serviteur de sa propre personne, qu'il n'est qu'un serviteur faible et qu'il n'a de force que parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a attribué, azza wa jal. A l'inverse donc de l'avilissement, qui est cet avilissement, le fait de se rabaisser pour arriver à des biens de ce bas monde, pour arriver à ses fins, de se rabaisser jusqu'à délaisser des parties de sa religion. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah évoqua aussi, et cette partie-là je ne l'avais pas évoquée, je commencerai le cours par cela, avait évoqué donc deux sortes d'humilité, de tawadu' qui est louable. Il dit, la première de ces sortes, dans le sens bien sûr approximatif de ces paroles, la première de ces sortes est que le serviteur s'humilie face aux injonctions d'Allah, aux commandements d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il les respecte et qu'il lui obéisse. De même qu'il s'écarte de ses interdits. Et la deuxième sorte de tawadu', d'humilité louable, est l'humilité face à la grandeur et la munificence du Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. De s'avilir devant sa puissance, devant sa grandeur, azza wa jal, et de reconnaître la faiblesse de nos propres personnes. Dans le sens approximatif de ces paroles, et celui qui veut revenir à cette partie de son livre, rahimahullahu ta'ala, qu'il le fasse, car ceci est très intéressant. Puis, Al-Ilbiri nous dit, فَلَا تَرَضَ الْمَعَايِبَ فَهِيَ عَارٌ عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثرايا ويبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تبدله dans une version تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. Ici, dans le sens approximatif de ces paroles, et il dit aussi donc la dernière le dernier de ces vers que j'expliquerai aujourd'hui, وَتَنْشُرُ عَنْكَ فِي الدُّنْيَا جَمِيلًا وَتَلْقَ الْبِرَّ فِيهَا حَيْثُ شِئْتَ. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles ici dans ces vers, وَلَا تَرَضَ الْمَعَايِبَ فَهُوَ عَارٌ أَوْ فَهِيَ عَارٌ عَظِيمٌ يُورِثُ الْمَحْبُوبَ مَقْتَ. Donc n'accepte pas les défauts. Il appelle son ami d'enfance Abu Bakr comme ceux qui lisent et qui entendent cette poésie à ne pas accepter les défauts, car ceci est quelque chose de blâmable, et c'est une honte. Ces défauts-là qui sont évoqués, ce sont une honte pour la personne. Une honte qui fait que la personne qui t'aime et qui t'a aimé en vienne à te détester à cause de ces défauts. Puis il dit, ces défauts-là qui te sont reprochés, qui sont évoqués, font tomber une personne de très haut, jusqu'à ce qu'ils disent qu'elle le fait tomber de Al-Thuraya. Et nous allons voir que Al-Thuraya est une constellation qui est connue, qui sont la constellation des Pléiades, si je ne dis pas de bêtises, qui est la constellation qui est connue comme étant la constellation des Pléiades, qui s'appelle la constellation des Pléiades, si je ne dis pas de bêtises, qui est une constellation qui était connue chez les Arabes, qu'ils appelaient Al-Thuraya. Et puis il dit, et dans une version وَيُبْدِلُكَ مَكَانَ الْفَوْقِ تَحْتَ, et qui te font passer du haut en bas, qui te font passer du haut, donc d'une place haute que tu avais vers le bas, tout au bas. Elle fait tomber les gens, ce défaut là ou ces défauts là font tomber les gens, ces péchés, ces défauts, ces mauvais comportements font tomber les gens, comme nous l'avons vu dans de nombreux vers précédemment, que ceux-ci sont une honte pour une personne, ceci même si c'est une personne qui est douée de science, donc la science qui élève les gens, comme nous l'avons vu, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah azza wa jalla élève ceux à qui il donna ceux qui ont cru et ceux à qui il donna la science, il les élève en degré. Donc, la science qu'acquiert une personne est une cause que Allah Azza wa Jalla l'élève en degré. De même que sa foi et la force de sa foi l'élève en degré. De même que ce qui est élevé aussi parmi les gens du bas monde, le fait qu'une personne ait une certaine place dans la société. Eh bien, tout cela, si une personne qui est comme cela, c'est-à-dire une personne qui a une certaine place, une personne qui a de la science, un étudiant en science, un savant, si cette personne-là n'embellit pas ses œuvres par des bons comportements, eh bien, cette personne-là sera aux yeux des gens quelqu'un d'avili, de bas, quelqu'un de rabaissé par ses mauvais comportements. C'est pour cela que certains parmi As-Salaf disaient que une science ne peut être une science louable que si cette science est ornée par les bons comportements. Elle ne peut être une science profitable que si cette science est ornée par les bons comportements. De même que il dit donc de même que les obéissances, les actes d'obéissance te font être une personne proche, et ceci même si tu es éloigné, comme nous allons le voir ici. Elles te font atteindre les étoiles, elles te grandissent jusqu'à te faire atteindre les étoiles, c'est-à-dire ces bons comportements et ces actes d'obéissance te font grandir jusqu'à atteindre les étoiles. Et ceci me rappelle un athar qui est rapporté par Ibn Abbas, ou qui est rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui disait... Certes, la mauvaise action a une trace ou laisse une trace sur le visage. De même que la bonne action laisse une trace ou laisse une lumière sur le visage. Puis il dit « وَتَنْشُرُ عَنْكَ فِي الدُّنْيَا جَمِيلًا وَتَلْقَ الْبِرْضَ فِيهَا حَيْثُ شِئْتَ » Donc, ces bonnes actions et ces bons comportements, eh bien, elles font que tu es reconnu, que tu es connu en bien dans cette vie d'ici-bas et que tu rencontreras le bien où que tu sois. Ceci est une cause de bien, ceci te ramène du bien dans ta vie d'ici-bas comme dans ton au-delà. Inch'Allah ta'ala, le fait de pratiquer les bonnes œuvres et de s'orner et d'orner ses œuvres par le bon comportement. C'est-à-dire ici, donc dans ces vers, il appelle son ami Abu Bakr comme ceux qui écoutent et lisent cette poésie, à orner nos bonnes actions par les bons comportements, à orner notre action comme par exemple l'étude de la science, l'apprentissage de la science, l'enseignement de la science, comme il l'a évoqué, il a appelé son ami, comme nous, ceux qui lisons et qui apprenons cette poésie, tout au long de cette poésie, à apprendre la science, à avoir un intérêt particulier, à porter un intérêt particulier à la science religieuse, eh bien, ici, il nous appelle aussi à orner cette science religieuse que nous apprenons par les bons et honorables comportements, comme l'humilité, comme tous ces comportements qui ont été évoqués précédemment, et donc le plus proche de nous, ici, l'humilité et le fait de délaisser l'enorgueillissement. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, si tu les pratiques, eh bien, ces choses-là t'élèveront dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et si tu les délaisses et plutôt tu pratiques les péchés ou les mauvais comportements, eh bien, ces choses-là seront une cause de honte sur toi dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et ceci, donc, ce qui est voulu ici aussi par cette personne, donc, par Abu Ishaq pour cette personne, donc Abu Bakr, et que s'il accepte d'être qualifié par ses mauvais comportements, ses mauvaises descriptions, eh bien c'est cette chose-là, le fait d'accepter cela, qui fera aussi que cette personne-là fera partie des gens bas et avilis. C'est-à-dire que il peut avoir des mauvais comportements, la personne peut avoir des mauvais comportements, mais cherche à s'en détacher, cherche à évoluer pour l'agrément de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Mais si une personne agrée ses mauvais comportements par lesquels il est qualifié, par lesquels il est connu des gens, eh bien, cette chose-là fera de lui une personne avilie. À l'inverse des bons comportements que la personne cherche à avoir, et ceci même si c'est une chose qui est difficile pour lui, même si c'est une chose qu'il n'a pas l'habitude, même si c'est une chose dans laquelle il n'a pas grandi, eh bien cette personne-là, à chaque fois qu'il fera des efforts, eh bien sans aucun doute il sera élevé et il sera rapproché par ses efforts. Et comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre mère Aïcha dans ce hadith, ta récompense sera en fonction de ta fatigue, sera en fonction de ta fatigue. Ceci, lorsqu'une personne essaye de se parer ou de s'orner ou de pratiquer une chose qui est difficile pour elle, qui est difficile pour elle. Bien sûr, la fatigue n'est pas recherchée en soi. On ne recherche pas une chose, on ne recherche pas la fatigue, pardon, en soi. Mais si cette chose est difficile, eh bien, sans aucun doute, la personne qui aura plus de facilité à atteindre degré ou à atteindre cette pratique ou à atteindre ce comportement, cette personne qui sera il sera plus facile pour elle, ne sera pas comme la personne qui fera des efforts journaliers pour rester dans cette bonne pratique être paré de ce bon comportement. Ici, nous voyons ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, où il nous dit, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah azza wa jal, lorsqu'il aime un serviteur, il appelle Jibril et il dit que certes Allah a aimé un tel, aime-le. Et Jibril l'aime donc. Puis Jibril appelle les habitants du ciel et leur dit que Allah a aimé un tel parmi ses serviteurs, aimez-le. Et les habitants du ciel l'aiment alors. Puis il est accepté après cela par les gens de la terre, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla fait qu'il soit accepté auprès des gens de la terre. Ceci lorsque la personne est arrivée à être aimée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en se rapprochant de lui par les œuvres obligatoires en premier lieu, puis par les œuvres surérogatoires comme ceci est rapporté dans ce hadith, qui est un hadith Qudusi, où Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le sens de ses paroles, le serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose telle que ce que je lui ai imposé par les œuvres obligatoires. Puis, il se rapproche de moi par les œuvres surérogatoires. Et à partir de là, si cette personne devient aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal demande à Jibril de l'aimer, puis Jibril demande aux habitants du ciel de l'aimer, puis les habitants de la terre l'aiment alors car Allah azza wa jal fait que ces derniers l'acceptent. Et ceci est la récompense dans cette vie d'ici-bas, avant l'au-delà de cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala par ses œuvres que ce serviteur aura faites afin de se rapprocher de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, comme je l'ai dit, Al-Thuraya, donc qui est, si je ne dis pas de bêtises, donc la constellation des Pléiades, qui est une constellation connue et qui était une constellation connue chez les Arabes et qu'ils avaient l'habitude de dire qu'il y a entre tel et tel comme entre tel et tel, entre Thara ou Thuraya, entre telle constellation et telle constellation, c'est-à-dire qu'il y a une longue distance entre un tel et un tel, de même qu'il disait qu'un tel atteint Thuraya, c'est-à-dire qu'il atteint les hauts degrés par telle et telle chose, etc., etc. Donc ils avaient l'habitude de donner l'exemple, de prendre en exemple Thuraya, une chose qui est lointaine, une chose qui est connue, et une constellation qui est connue chez eux. Donc qui est la constellation des Pléiades, Wallahu alayhim, il me semble que c'est cette constellation. Donc ici il dit que cette personne qui se parera des bons comportements et des adorations, des obéissances à Allah Azza wa Jal, cette personne-là aura atteint, sera arrivé jusqu'à Al-Thuraya, donc cet endroit lointain qui est cette constellation lointaine. Et ici se termine le cours d'aujourd'hui où Abu Ishaq Al-Ilbiri nous appelle encore une fois à nous parer des beaux et nobles comportements. Et ceci est la base et le sujet de cette poésie Al-Thuraya, enfin d'appeler Abu Bakr, de même que ceux qui écoutent et qui apprennent cette poésie et qui l'entendent, le fait de se parer des bons comportements, d'œuvrer les bonnes œuvres, de rechercher la science bénéfique, toutes ces choses qui font que le serviteur trouve la félicité dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.